Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez profité de la super météo que nous avons eue et que nous allons encore avoir, on en parle tout à l'heure. Nous sommes le lundi 16 septembre et aujourd'hui c'est le rattrapage du brevet. Et il y a plus d'élèves qu'à l'habitué puisqu'il y a des brevets qui ont été annulés à cause de la canicule. Donc voilà, aujourd'hui, rattrapage du brevet. Bon courage à tous. On souhaite une bonne fête aux Edith et aux Cypriens. Le dicton nous dit, quand il tonne à la Saint-Cyprien, il faut encore porter des gants. Bon, bah pas de problème de tonnerre aujourd'hui en tout cas. Célébration internationale. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone déclarée par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est la semaine européenne de la mobilité. En Malaisie, c'est la fête de la Malaisie qui commémore l'établissement de la fédération en 1963. Au Mexique, c'est la fête de l'indépendance. Et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, fête nationale qui commémore l'indépendance vis-à-vis de l'Australie. Et dans les événements qui se sont déroulés un 16 septembre 1975, indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Allez, on va tout de suite s'écouter des petits messages et on commence tout de suite avec l'exposition de Valence Cabarari. Nous écoutons Valence Cabarari qui sera présent à la médiathèque intercommunale des Hauts-de-Vosges, place de la Libération à Vanier, très prochainement. Bonjour, c'est Valence Cabarari, l'auteur du livre Vivant, donc sur le génocide contre les Tutsis du Rwanda, où je raconte mon histoire. Vous pouvez me retrouver dans une conférence le 19 septembre à 17h. Et vous pouvez aussi trouver une exposition sur Rwanda 94 à 2014 à Vanier, au même endroit, à partir du 10 au 24 septembre. Fluo, c'est quoi ? Et là, on va s'écouter un message d'intérêt général. C'est quoi ? C'est la nouvelle appli pour organiser tous vos déplacements dans le Grand Est. En quelques clics, trouvez des tarifs, horaires et itinéraires en temps réel, combinant tous les modes de déplacement. Train, tram, bus, vélo, covoiturage, autopartage, ainsi que toute l'info sur vos réseaux de transport. Rendez-vous sur www.fluo.eu ou téléchargez l'application. Fluo, l'appli de tous vos itinéraires en région Grand Est. Fluo, c'est quoi ? C'est la nouvelle... Bon, on va peut-être pas se l'écouter en boucle, ça ira. Allez, tout de suite, on parle de l'exposition WAF et au fil de l'eau, ça va nous être présenté par Lia. Billet de sortie avec nous au téléphone, Delphine Aubry. Delphine, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Ben super. Alors nous parlons aujourd'hui avec vous et bien de deux expositions se déroulant à la galerie du Bailly à Épinal du 13 au 18 septembre. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces expositions ? Oui, alors en fait, il y a deux expositions en une. Oui. Les deux sur les animaux. Il y a une exposition de photographie avec Thierry Didier. Une exposition qui a pu être découverte tout l'été sur la digue du réservoir de Bouzet. D'accord. Et en fait, on la propose à la galerie pour la rentrée. Et une seconde exposition, donc on est deux, moi-même et Marie-Ange Angster. Et là, c'est sur le thème du chien, donc ça s'appelle WAF. D'accord. Et ce sont des sculptures en papier mâché pour moi, en papier pour elle, oui, sur ce thème-là. C'est voilà. Super. Comment vous avez eu l'idée d'allier toutes ces techniques donc pour aujourd'hui présenter une exposition donc sur le thème un petit peu animal, on peut le dire, hein, c'est sur le oui. thème animal. Combien de temps ça a mis pour se préparer tout ça ? Ça a pris quelques mois, les derniers assez intensifs. Et puis en fait, c'est des rencontres. Je connais bien Thierry Villiers par ailleurs, qui est un ami. Je connais également Marie-Ange Angster. Enfin bref, de fil en aiguille, on s'est dit que ce serait sympa d'exposer à trois. Oui. Donc ça, c'est plus le hasard des rencontres et puis des affinités. Alors Marie-Ange Angster donc proposera du papercraft, c'est bien ça ? C'est ça. Alors comment on peut un petit peu expliquer cette technique ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors en fait, je serais plus douée que moi pour en parler, mais en résumé, c'est il y a des sites où il y a plein de modèles existants et du coup, elle choisit des modèles qui l'inspirent. Et après, elle imprime sur, et c'est elle qui crée en fait par rapport au papier qu'elle va choisir, au motif, au format. Et vous donc, vous proposez également donc comment on appelle ça alors, des sculptures, des représentations en papier mâché? Oui, bah, les deux vont bien, ou des volumes. Donc oui, moi en fait ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur des bestioles, donc de toutes sortes, d'animaux. Et donc cette année j'avais envie de travailler sur le chien et je travaille toujours en papier mâché avec une ossature carton. Et il y a des bêtes plus ou moins réalistes, donc il y aura les deux à l'expo, des bêtes un petit peu rigolotes et puis des choses beaucoup plus réalistes sous forme de trophées. Super. Pour se faire une idée, combien de temps ça met pour représenter un animal en papier mâché? Je suppose que ça dépend de la taille, mais pour se donner une petite idée. Alors oui, ça dépend du format. En fait, pour les toutes petites bêtes qui sont accrochées au mur, qui ont à peu près un format de, je dirais, de 20 cm par 10 de hauteur, il faut 3-4 heures de travail, mais pour un trophée, là, il faut plus 15-20 heures de travail, voire plus. Ah oui. Voilà, d'accord. Oui, ça dépend vraiment de, du format puis du réalisme aussi qu'on veut apporter. Super. Donc Thierry Didier exposera ses photographies sur le thème des oiseaux qu'il avait pu observer sur la digue de Bouzet, hein, si ce que je dis est juste. Vous exposerez des bestioles en papier mâché et Marie-Ange Angster d'autres animaux en papercraft. Donc elle aussi propose des chiens ou alors il y aura d'autres animaux? Alors là, on s'est vraiment focalisé sur le thème des chiens pour qui a une cohérence, mais elle peut travailler toutes sortes d'autres animaux, comme moi d'ailleurs, mais bon, là, on oublie cette thématique. Donc le vernissage de cette exposition, elle aura lieu le vendredi 13 septembre, c'est ce vendredi partir de 19h. Est-ce que c'est ouvert à tous ce vernissage? Oui, c'est ouvert au public, chacun peut y venir, grignoter, boire un verre, et surtout c'est le moment où, où les trois artistes sont présents, et on peut échanger, discuter, poser des questions, parce que après, au fil de l'expo, moi je serai toujours là, mais Thierry ne sera pas forcément là, Marie-Ange ne sera pas là tous les jours. Donc le vernissage, c'est vraiment le moment privilégié pour rencontrer les créateurs des bestioles et des photos. Très belle opportunité de rencontrer les artistes directement sur place le vendredi 13 septembre à partir de 19h pour ce vernissage. L'exposition, quant à elle, aura lieu du 13 au 18 septembre, tous les jours de 10h à 19h en continu à la Galerie du Bailly à Épinal. C'est tout bon. C'est tout bon. Merci beaucoup Delphine d'avoir répondu à mes quelques questions. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. Merci Alia pour nous avoir présenté donc cette exposition WAF et au fil de l'eau. Tout de suite, première pause musicale avec Richard Marx et son titre Right Here Waiting. Can't get near you now. Richard Marx sur RGM, un peu plus de 8h42, on va faire un point sur les anniversaires. Ils sont nés un 16 septembre 1934, naissance de George Chakiris, acteur danseur américain connu pour son rôle de Bernardo dans West Side Story, qui lui a d'ailleurs valu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, et vu également dans Les Demoiselles de Rochefort dans le rôle d'Étienne. 1952, naissance de Mickey Rourke, acteur américain, vu dans 9 semaines et demie dans le rôle de John, l'Irlandais. Il était une fois au Mexique, Desperado 2, Man on Fire dans le rôle de Jordan, Iron Man 2 dans le rôle d'Ivan alias Whiplash, ou encore Expendables Unité Spéciale dans le rôle de Tool. 1956, naissance de David Copperfield, célèbre illusionniste américain. 1962, naissance de Laurent Fontaine, animateur télé et radio français, qui a présenté pendant de nombreuses années Y'a que la vérité qui compte. 1963, naissance de Richard Marx, chanteur américain. 1964, naissance de Rossy De Palma, actrice espagnole vue dans Femme au bord de la crise de nerfs dans le rôle de Marissa, Prête à porter dans le rôle de Pilar, Laisse tes mains sur mes hanches dans le rôle de Myriam Bardem, Les Aristos ou encore No Passaran. 1968, naissance de Marc Anthony, chanteur américain, qui a fait un tube il y a quelques années. C'était en featuring avec Pitbull, ça s'intitulait Rain Over Me. Eh bien, on écoute tout de suite un extrait. Forty's a new 30 and baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta, no te hagas. Teach me, baby, I'm better, yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. And let it rain over me. Voilà pour Marc Anthony. Allez, on continue. 1970, naissance de Cécile de Minibus, animatrice télé française. 1971, naissance d'Amy Poehler, actrice américaine vue dans Lolita malgré moi dans le rôle de Madame June George, à la télé dans Saturday Night Live ou encore Aristide Development. 1975, naissance de Seth l'Artificier, chanteur français du groupe Funky Family. 1981, naissance d'Alexis Bledel, actrice américaine vue dans Coup de foudre à Bollywood, Sin City, 4 filles et un jean 1 et 2, la série télé Gilmore Girls dans le rôle de Rory Gilmore. 1985, naissance de Madeline Zima, actrice américaine, connue pour son rôle de Grace Sheffield dans la série Nounou d'Enfer et son rôle de Mia Cross dans la série Californication. 1986, naissance de Ian Harding, acteur américain, connu pour son rôle d'Ezra Fitz dans la série télé Pretty Little Liars. 1988, naissance de Slimmy, chanteur français. 1992, naissance de Nick Jonas, auteur, compositeur, interprète, également acteur américain, vu dans la série Hawaii 5-0 dans quelques épisodes. Il a sorti dernièrement un titre avec ses frères, hein, les Jonas Brothers, qui faisaient le grand retour avec leur titre Sucker. On écoute tout de suite un petit extrait. Better than birds of a feather, you and me. We'll change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Voilà pour l'extrait des Jonas Brothers. On continue. En 1936, décédé Jean-Baptiste Charcot, médecin explorateur français. En 1977, décédé Maria Callas, célèbre artiste lyrique grecque. Et on écoute tout de suite un extrait de l'interprétation « L'amour est un oiseau rebelle ». Voilà pour l'extrait de Maria Callas. En 2009, décédé Philippe Nicolic, chanteur comédien français qui a connu la célébrité dans la fin des années 90 hein, avec le boys band les To Be Free, vu à la télévision dans la série Pour être libre où il interprète son propre rôle, hein, Philippe, et vu également dans Navarro ainsi que Brigade Navarro dans le rôle de Yann Boldec. Et en 2015, décédé Guy Béard, auteur, compositeur, interprète français dont on écoute tout de suite un extrait du titre La Vérité. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Voilà pour l'extrait de Guy Béard. Allez, tout de suite, on va s'écouter la Funky Family, autre salle, autre ambiance, avec leur titre Art de rue. Voilà. Scandale, danse de vandale, d'un d'où vient la chaleur? DJ, breaker, b-boy, graffeur, beatbox. Ambiance scandale, danse de vandale, d'un d'où vient la chaleur? DJ, breaker, b-boy, graffeur, beatbox. Le thème c'est art de rue.

Alors, je vous le disais en tout début d'émission, ce sera encore une très belle journée ensoleillée aujourd'hui. Des températures comprises entre 14 et 15 degrés ce matin, entre 26 et 28 degrés prévues pour cet après-midi. Et oui, vous m'avez bien entendu, l'été est encore là. Pour mardi, du soleil avec un petit peu de nuages, des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 21 et 23 degrés pour mardi après-midi. Mercredi, belle journée ensoleillée, les enfants vont pouvoir en profiter. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, mais entre 19 et jusqu'à 21 degrés prévues pour mercredi après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Allez, on commence avec le basket et les championnats du monde où l'équipe de France a terminé ses championnats avec une belle médaille de bronze, même si c'est pas cette médaille qu'ils voulaient aller chercher, mais voilà, c'est quand même une belle médaille de bronze, une médaille en plus au palmarès français. La France qui a donc battu l'Australie, hein, 67 à 59, ça a été serré, hein, jusque dans le dernier quart-temps. Et ces championnats du monde ont été remportés par l'Espagne qui a battu l'Argentine, hein, en finale 95 à 75. Un mot de volley avec les championnats d'Europe où la France a battu la Grèce et le Portugal 3-7 à 0 à chaque fois ce soir, match contre la Bulgarie. En football, en Ligue 1, Lille s'est imposé 2-1 face à Angers. Amiens et Lyon ont fait match nul 2 partout. Le PSG s'est imposé 1-0 face à Strasbourg. Metz s'est incliné 2-0 à Bordeaux. Brest et Rennes ont fait match nul 0 partout. Montpellier s'est imposé 2-1 face à Nice. Dijon et Nîmes ont fait match nul 0 partout. Nantes s'est imposé 1-0 face à Reims. Saint-Etienne et Toulouse ont fait match nul 2-buts partout. Et Marseille s'est imposé sur la pelouse de Monaco 4-3. En Ligue 2, Nancy a décroché le match nul à Guingamp 1-1. Du côté de chez nous en basket, en National 1, le Jet Vosges s'est incliné dans son dernier match amical face au club suisse de Nyon 86 à 92. Et en National 3, Mirecourt s'est incliné à Saint-Charles-Charenton-Saint-Maurice 74 à 69. Un mot de biathlon avec ce week-end les championnats de France. Côté féminin, Julia Simon a été sacrée sur le sprint et la poursuite. Côté messieurs, victoire de Quentin Fillon-Maillet sur le sprint et alors sur la poursuite. Au départ, c'était victoire de Martin Fourcade, mais celui-ci a été disqualifié suite à un problème de casque qu'il n'a pas porté durant toute la course. Au final, c'est donc la victoire de Simon Détieu. On termine avec du tennis avec plusieurs tournois cette semaine. On commence tout de suite avec le tournoi féminin d'Osaka où Alizé Cornet est en train d'affronter Tomova. À Saint-Pétersbourg, Adrien Manarino affrontera Travaglia. Et à Metz, aujourd'hui, Nicolas Mahut affrontera Madden. Oang affrontera Stebe. Et Janvier sera opposé à Ote. Et après le retour de Kim Clijsters sur les courts, vendredi, on a appris que Tatiana Golovin allait faire également, elle aussi, son retour sur les courts. Et ce, peut-être dès la mi-octobre. Elle qui avait dû arrêter sa carrière il y a 11 ans suite à des problèmes de santé. Eh bien, ces derniers apparemment seraient réglés et donc elle pourrait reprendre le tennis. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause avec Slimy et son titre Wake Up. It's my birthday, you missed it. Don't worry about the cake and the present. Gonna buy it, eat it, feeling selfish. Think it's all okay, talk about it. Office about gossip and your colleagues. Gonna get sick of days, yeah, off days. I'm not Mr. Muscle, but I can blossom and I can hustle you. Not Mr. Muscle, but I can blossom and I can hustle you. Beware of this. I'm kinda lazy, in a hurry. You scared me. Well, aware of this. You talk about business. It's an illness. What I mean is, you must be my little baby. Like me, baby. I'm not Mr. Muscle, but I can be awesome and I can hustle you. Not Mr. Muscle, but I can be awesome and I can hustle you. Let's go. wake up. Uh-huh. Wake up. It's your birthday, you missed a date. It's your birthday, you missed a date. I'm not Mr. Muscle Back and the last man I can hustle you. Not Mr. Muscle Back and the last man I can hustle you. Wake up. Maybe, but you can't. Ding dong, ding dong. Wolf chills look like a kid in a locker kid. Wake up, Slimy. Voilà, j'espère qu'à 9h, vous êtes réveillés. Et nous, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 13h30, ce sera la rediffusion de la Cristoire du cinéma. 15h, salut les 60 avec Gérard. 20h, le calendrier de François. Et nous, on se retrouve demain matin. Excellente journée à tous.